Le guidon de Monsieur de Montpensier. Conte de la laide. Voici mon conte fait, soit bon ou mauvais, je ne suis pour plaire à tous. Bien crois-je que l'on me pourra reprocher que je me pourrais bien passer de mettre par esprit force petites nigauderies qui ne servent de rien, mais je veux passer mon temps et rire quelquefois. Brantôme. 1. Ah, Dieu vous en garde. Brantôme. Dieu vous garde du guidon de Monsieur de Montpensier, était jadis un vieux dicton. Voici pourquoi. Sous le règne de Henri II, Monsieur de Montpensier fut nommé lieutenant du roi dans le Maine, le Perche et la Touraine. Il guerroyait alors contre les Huguenots qu'il haïssait fort, imitant par là le grand Saint-Louis, son grand miroir dont il prétendait descendre, si bien que lorsqu'il les prenait par ruse ou par force, il les faisait tuer tout de même, disant qu'on était nullement obligé de garder sa foi envers un hérétique. Il avait amené avec lui M. Babelot, cordelier très savant homme, et qui le gouvernait paisiblement, puis son guidon, M. de Montmoiron, de l'ancienne maison de l'archevêque Turpin, dont il se plaisait à porter le nom. Certes, il était bien beau, ce guidon, d'une belle taille, les manières nobles, le cœur haut, fort galant auprès des femmes. Et si bien que lorsque M. de Maupensier l'envoya plus tard vers le roi, on m'a assuré qu'il fut très vu à la cour, et fort admiré des femmes, dont même quelques-unes des plus grandes, des plus honnêtes et des plus vertueuses, en versèrent quasi des larmes quand il en partit. Donc on raconte que lorsqu'on menait des prisonniers à M. de Maupensier, si c'était un homme, il lui disait de plein abord « Vous êtes huguenot, mon ami, je vous recommande à M. Babelot. » Et le prisonnier, après avoir été interrogé par M. Babelot, était aussitôt condamné à mort et exécuté. Si, au contraire, c'était une belle femme ou fille huguenote, M. de Montpensier ne disait autre chose que « Je vous recommande à mon guidon, qu'on la lui mène. » Et de là était venu ce dicton. Or, voilà ce qui arriva un jour à ce beau guidon, M. Turpin de Montoiron. Je ne sais si l'histoire est véritable, mais je l'ai ouï conter à deux vieilles gens, qui la tenaient de plus vieux encore. Possible que le fait soit faux, possible aussi qu'il soit vrai. Je vous le donne tel qu'on me l'a donné. Et ne sera point damné, je vous le jure, celui qui ne le croira qu'à demi, voire même celui qui ne le croira pas du tout. Or donc, un soir, M. de Montpensier était entouré de tous les seigneurs qu'il avait accompagnés dans son gouvernement. C'était M. le maréchal de Saint-André, M. de la Brosse, qui, pour un homme de guerre, était le plus doux et le plus gracieux qu'on eût vu. C'était M. de Sauzac, son camarade, et tout l'opposé, car il était rude et bravant tout le monde à la guerre comme à la chasse. Puis s'y voyait encore Messire Jacques d'Albon, renommé par ses parures, l'élégance de ses manières et sa maison de plaisance de Valerie, plus belle que toutes celles du roi, et dans laquelle s'y trouvait une tente en tapisserie représentant la bataille de Pharsale, et aussi deux tapis velus d'or persan, tout cela hors de prix. Puis encore messieurs de Lude et de Montralet, deux braves et beaux seigneurs, fallait voir, et monsieur de Tavannes, qui, quoiqu'un peu vieux, valait autant que pas un de cette époque. Il ne faut pas non plus oublier monsieur de la Châtaigneraie, d'une jolie taille moyenne et élégante, brun de cheveux, le teint fort beau et délicat. D'aucuns disaient sa force sans égale, pas un ne pouvait lutter avec lui. Il arrêtait un taureau furieux par les cornes, le tenant ainsi en respect. Cette grande force lui venait de ce que, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, son père avait fait mêler dans son manger et boire de la poudre d'or, d'argent et de fer, conseil qui lui avait été donné par un médecin à Naples lorsqu'il accompagna le roi Charles VII dans cette ville. Monsieur de la Châtaigneraie était très haut, prompt la main, et ne souffrait rien de pas un, voire même d'une femme. Sur quoi je dirai ce petit incident que je tiens de bon lieu. J'ai lu dans Brantôme, son neveu, une petite histoire assez drôle. Pardonnez-moi cette digression, mais elle me revient par la tête, et je ne peux me refuser au plaisir de vous la dire ici, tâchant d'imiter, autant que faire se peut, le style piquant et naïf de ce charmant auteur. Madame la princesse de la Roche-sur-Yon, veuve de Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, était venue nouvelle et mal raffinée à la cour. Ayant besoin d'un de ses gens, elle se tourna vers M. de la Châtaignerie, qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle ne savait pas être d'aussi bonne maison qu'elle, ce qui était. Elle l'appela, par deux fois, « Mon gentilhomme, je vous prie, allez voir jusqu'à la salle s'il n'y a pas un de mes gentilshommes, et me le faites venir. » Sur quoi, M. de la Châtaignerie, se trouvant offensé, répondit, « Mordieu, quel mon gentilhomme appelez-vous ? Allez le chercher ailleurs, car je ne suis votre gentilhomme, ni le veux être, princesse crottée que vous êtes. Allez faire votre message vous-même. » Mais tout cela m'a éloigné de mon histoire. J'y reviens. Donc, un soir, comme je vous le disais, tous les beaux et jeunes seigneurs étaient réunis chez M. le duc de Montpensier et assis à sa table. Je vous laisse à penser si tous, joyeux et aimables qu'ils étaient, devaient bien s'amuser à rire, chanter, deviser et raconter maintes et maintes prouesses. Or, il commençait à se faire un peu tard lorsque parut à la porte de la salle un homme d'armes couvert de poussière. « Qu'est-ce, mon écuyer ? » demanda M. de Montpensier. « Monseigneur, ce sont des prisonniers huguenots que nous avons faits et les menons à votre seigneurie. »« Des huguenots ? Par la Saint-Louis, mon patron, c'est une bonne nouvelle, l'ami. Qu'en pensez-vous, mes seigneurs, si leur donnions audience ?»« Ainsi soit fait comme vous le désirez, sire de Montpensier !» s'écrièrent les jeunes gentilshommes. Et le duc de Montpensier donna ordre d'introduire les prisonniers. Ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. C'était un homme et une femme, tous les deux jeunes, charmants, la taille svelte, élégante, presque de la même hauteur. Leurs costumes ne différaient que très peu. On les avait surpris à cheval, et la jeune femme était en amazone. Une étoffe de velours, collante et montante, couvrait le haut de son corps ainsi que celui de son compagnon. Un baudrier élégant et un ceinturon retenant un fourreau vide se croisaient sur la poitrine du cavalier. Des culottes de drap, des bas de soie et des bottines vertes faisaient remarquer ses formes gracieuses, quoique peut-être un peu minces. Et un chapeau à plumet, incliné sur l'oreille, laissait voir de beaux cheveux blonds descendant en anneaux sur un visage pâle encore imberbe. Au bas de la taille frêle et élancée de la jeune huguenote était attaché un jupon à queue qui, retombant sur ses pieds, les cachait. Son chapeau, pareil à celui de son compagnon, était posé un peu plus sur ses yeux, desquels jaillissaient parfois des regards pleins de flammes. Et puis, une seule boucle de cheveux bien noirs, échappée au rebord du chapeau, venait contrarier par sa couleur brune le bas d'une figure blanche et arrondie. La captivité n'avait point abattu le courage de ces deux prisonniers. Leurs belles têtes regardaient, nobles et fières, l'assemblée qui les entourait. Sans se lever de table, le duc de Montpensier adressa la parole au jeune homme. « Quel est ton nom ?»« Jules Desmarets, fils d'un capitaine que tu n'as jamais vu que l'arme au poing. Cette jeune fille est Odette, ma sœur. Vous êtes un huguenot, mon ami, et pour ce, vous recommandons à M. Babelot. Garde, qu'on l'y mène. » Monseigneur, il se fait tard, observa messire Jacques d'Albon. Le bon cordelier doit être couché. Alors, ce sera pour demain, de bonne heure. Entendez-vous ? Allez, en attendant, qu'on le renferme, en lieu sûr. Comme on emmenait le prisonnier, sa sœur le retint par la main, la lui serra en signe d'amitié, puis tourna ses beaux yeux noirs vers le duc de Montpensier. Elle n'avait point l'air d'être ni tremblante, ni émue, cette belle personne, mais seulement inquiète. « Ne me séparez pas de mon frère, » dit-elle avec douceur et fermeté. Après l'avoir regardé un moment avec attention, le duc de Montpensier dit seulement ce peu de mots. « Je vous recommande à mon Guidon, qu'on la lui mène. » Mais le Guidon n'était pas là. Il avait été se promener avec quelques seigneurs, ses amis. Sans cela, certes, il l'aurait emmenée lui-même, et de suite, la belle huguenote. Triste, pensive, la jeune fille crut qu'on allait la conduire à la mort, et, recommandant son âme à Dieu, priant mentalement, elle suivit les gendarmes qui l'y invitaient. En sortant du château de M. le duc de Montpensier, elle passa devant une vieille femme qui la considérait avec compassion. « Tenez, ma bonne mère, dit-elle en lui mettant une bourse dans la main, donnez cela aux pauvres, et priez pour moi, je vous en prie, car sûrement je vais à la mort. » « Non, point à la mort, répliqua l'homme d'armes, souriant d'un air goguenard, mais bien chez le guidon de M. de Montpensier. « Ah, Dieu vous en garde, la belle fille, s'écria la vieille. Et le soldat, passant outre, force fut à la prisonnière de le suivre. Autrement possible est qu'elle eût fait quelques questions, et que la pauvre créature eût demandé ce que c'était que ce guidon. La maison où demeurait M. de Montoiron n'était pas loin. À la porte de chez lui, une jeune fille ou femme, je ne sais, pleurait abondamment. Pendant que l'homme d'armes frappait à la porte, Odette, inquiète de la menace et de l'exclamation de la vieille femme, se pencha vers la personne qui pleurait. « De grâce, madame, dites-moi, savez-vous ce que c'est que le guidon de M. de Montpensier ?» À cette demande, l'inconnu releva brusquement la tête, essuya ses larmes et regarda attentivement la charmante figure d'Odette, éclairée par un pâle rayon de la lune. Puis, voyant la porte de la maison qui s'ouvrait, elle s'en éloigna vivement et, fuyant, l'air égaré, elle s'écria « Le guidon de M. de Montpensier ! Sainte Vierge ! Ah, Dieu vous en garde !»